une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire particulière, je vous proposais de redécouvrir le documentaire « La foi à l'épreuve de la chair », une émission produite par Michel Pomarède et François Test et diffusée sur France Culture en 2004. Pour ce documentaire, ils s'étaient rendus à Lyon. Ils avaient rencontré un psychologue en charge d'évaluer les religieux sur leur affectivité et leur rapport à la sexualité, mais aussi des candidats à la prêtrise au sein du séminaire supérieur de Lyon. Ils évoquaient déjà ces questions qui sont restées longtemps dans l'ombre. Comment de jeunes séminaristes réagissent aux affaires de pédophilie dans l'Église? L'institution est-elle compétente face à des problèmes qui concernent la sexualité et la psychologie? Nous retrouvons pour ce second épisode le père François Bonnet, supérieur du séminaire universitaire de Lyon, des séminaristes. Et surtout, parmi les interlocuteurs privilégiés de ces entretiens, il y a une sœur dominicaine, sœur Véronique Margron, déjà à l'époque une grande figure de la théologie et de la morale, et aujourd'hui présidente de la conférence des religieuses et religieux en France, qui déjà à l'époque ne mâchait pas ses mots sur la trahison de l'Église. Elle nous disait hier, tant de tristesse, là où devrait s'exercer le maximum de respect, se soit exercé le maximum de violence. Et ça, cela vous rend profondément malheureux. La foi à l'épreuve de la chair. Michel Pomarède, François Test. Sœur Véronique Margron, comment est-ce que s'élabore, comment s'incarne, on pourrait dire, une théologie de la sexualité pour un prêtre ou pour une sœur? Ce qu'on peut peut-être dire d'abord, c'est qu'il s'agit bien d'aimer corps et âme, si je puis me permettre cette expression. Donc on n'aime pas sans son corps. Donc faire croire qu'il n'y aurait plus de sexualité chez un prêtre ou un religieux, c'est un mensonge ou une illusion. Ce qu'on appelait dans les vieux termes freudiens de la sublimation peut vraiment, en effet, être intégré à la vie de telle manière que la meilleure manière d'aimer pour quelqu'un, ça va être d'aimer sans qu'il y ait de manifestation de la génitalité. Cette sublimation, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que un prêtre prédophile, finalement, il n'aime pas assez Dieu? Je ne sais pas, vous savez, au sens où je ne pense pas que ça se place là. Je ne pense pas que ça se pose dans ces termes-là. Je pense même malheureusement que parfois certains croient vraiment presque d'autant plus aimer Dieu. Tellement la situation est perverse, tellement on est dans une confusion. C'est ça, si vous voulez, la tragédie de la pédophilie, c'est qu'on est dans la confusion la plus totale. Hein. On croit donner de l'amour là où on donne de la haine et de la violence et là où on détruit. Et c'est ça qui est totalement fou. On croit aimer Dieu alors qu'on le trahit totalement. Parce que quand même, qu'est-ce que ça enseigne entre l'amour de Dieu, ou en tout cas essayer d'aimer Dieu, hein, ça enseigne avant toute chose l'immense respect pour autrui. Vous avez parlé d'être tombé amoureux de Dieu. Est-ce que vous êtes tombé amoureux d'une jeune fille pendant votre adolescence? Est-ce que vous avez connu le désir et l'amour pour autre ou une autre? Oui. Est-ce que vous pourriez nous faire, on pourrait dire, un parallèle? Est-ce qu'il y a des choses qui se comparent ou pas entre les deux? Ah bah oui, c'est l'amour. C'est l'amour comme don, comme une aspiration profonde du cœur de l'homme, comme... une aspiration dont on se rend compte qu'on est fait pour ça, et dont on se rend compte qu'elle va nous combler. Grégoire, séminariste. Qui va nous combler alors qu'on se donne à quelqu'un. Est-ce que, à l'âge où vous avez une vie sexuelle dans une vie antérieure, et que le problème de la sexualité, ou la question de la sexualité maintenant, vous la réorientez différemment, puisque vous avez choisi d'être dans l'amour de Dieu? C'est-à-dire que je vois pas bien qui ne peut pas avoir de vie sexuelle. On est forcément sexué. Donc on a forcément une vie sexuelle. Le tout, c'est qu'elle soit orientée vers le don. Très concrètement, Grégoire, dans une relation amoureuse avec une femme, on peut vivre sa vie sexuelle dans un échange amoureux. Ici, au séminaire, est-ce que l'apprentissage, c'est justement la réorientation de votre vie sexuelle pour l'amour des autres? Oui, effectivement, oui. Comme séminariste et puis plus tard comme prêtre, c'est la vie sexuelle, elle sera vécue dans la continence, c'est-à-dire avec l'abstention de relations sexuelles. Ça, oui, bien sûr. Et donc, effectivement, ça demande une maîtrise, ça demande un apprentissage, ça demande une organisation de la vie. Enfin, évidemment, ça demande. Il y a une dimension de maîtrise de soi, oui, bien sûr. Est-ce que c'est une épreuve? Ah bah oui. Oui, mais j'imagine qu'il y a la même chose dans les couples. Hein. La vie sexuelle, il y a aussi, elle passe aussi par le respect du corps de l'autre, de son rythme à lui. Et donc, on ne peut pas avoir de vie sexuelle, même avec des relations sexuelles, des relations conjugales, sans une maîtrise de son propre corps et de sa propre sexualité. Justement, pour qu'elle soit ordonnée au don. Mais effectivement, cette maîtrise, elle devient plus importante quand il y a une abstention de relations sexuelles, évidemment. Apprentissage, maîtrise, c'est des mots, mais comment ça s'incarne ? Ben, ça va s'incarner d'abord dans la confiance en Dieu, que c'est sur lui que je m'appuie. Ça va se matérialiser par une connaissance de mon rythme biologique. La façon dont je vais poser un regard sur les choses, un regard sur les femmes, ça va passer par la façon dont je vais... je vais pas regarder n'importe quoi, je vais pas écouter n'importe quoi. Il y a une garde des yeux, une garde des oreilles, qui est la première chose qui va me permettre d'avoir une garde du cœur et une garde de mon corps. Et quand vous êtes dans l'intimité de votre chambre, seul avec vous-même, seul on pourrait dire avec votre corps, et peut-être même seul avec vos pulsions, comment on fait avec ça, avec ces pulsions d'homme d'abord ? Bah, comme tous les hommes, je pense. Il y a une lutte. Il y a une lutte, et puis il y a une... On apprend à se connaître aussi, c'est-à-dire on apprend à savoir à quel moment on va être plus ou moins sensible, plus ou moins à ce genre de pulsion, plus ou moins en état de force pour y résister ou pas. Je veux dire, prenons un exemple idiot, mais il y a un bon repas un soir, bien arrosé. C'est sûr que si, sans me saouler, mais si je bois un peu trop, je serai plus faible, pour ensuite résister à des pulsions qui pourraient se manifester. C'est sûr qu'il y a une attention de chaque instant. Pierre Bonnet, comment est-ce qu'on accède dans son chemin, dans son cheminement vers la prêtrise, à cette maîtrise dont vous parlez ? Est-ce que vous pourriez dire que vous avez des travaux pratiques ici ? Qu'est-ce que vous appelez des travaux pratiques ? Je sais pas, moi, est-ce que vous vous réunissez les séminaristes et que vous en parlez de façon très concrète? Ah oui, ça peut en parler de façon concrète, on en parle concrète, pas toujours nous d'ailleurs. Il y a des cours d'éthique sexuelle, à la faculté certainement, mais au séminaire Saint-Irénée, nous avons des cours d'éthique sexuelle en premier cycle et en deuxième cycle, et indépendamment même de ces cours qui sont plus centrés, j'allais dire, sur la façon dont l'Église et la foi chrétienne se situent par rapport aux problèmes éthiques, nous avons aussi des sessions plus spécialisées en premier cycle qui portent sur la construction de l'affectivité et de la sexualité, indépendamment même du fait d'être prêtre ou pas, en disant de toute façon, toute personne a à construire son affectivité, sa sexualité, quel que soit le choix de vie qui va être fait par la suite. Et puis en deuxième cycle, puisqu'il s'approche à ce moment-là de la décision de choisir le célibat, comment vivre ce célibat auquel vous vous engagez, pourquoi qu'il soit quelque chose de vécu humainement et de façon très équilibrée. La réorientation de la sexualité pour un prêtre, c'est qu'il puisse aimer sans... non pas se servir, parce que c'est vraiment pas le terme qui convient, mais sans exercer, c'est ça le mot juste, sans exercer sa génitalité. Ah, c'est-à-dire qu'il aime avec sa tendresse, il aime pour de vrai, parce que tu vois pas très bien comment on ferait pour aimer sans son corps, mais c'est un corps qui ne met pas en exercice, si on peut prendre ce mot-là, hein, c'est un peu, c'est pas très joyeux ou très gai comme mot, mais qui ne met pas en exercice sa génitalité. Mais ça, quand vous aimez, par exemple, quand vous aimez votre petit cousin, vous l'aimez de cette façon-là. Quand vous aimez votre neveu, vous l'aimez de toute votre tendresse, mais en aucune manière, vous ne l'aimez génitalement. Donc, si vous voulez, la question du prêtre, elle est de pouvoir entendre qu'en aucune manière, aimer un enfant ne peut se traduire par la génitalité. La transgression par rapport à la demande de l'Église, c'est d'avoir des relations sexuelles avec une femme, c'est-à-dire avec un égo. avec un égal, plus exactement. C'est ça la transgression. C'est-à-dire, on demande la chasteté, c'est-à-dire de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. L'interdit de relations sexuelles avec un enfant, c'est un interdit fondateur de la vie humaine. Donc là, l'Église ne peut qu'essayer de s'assurer que le prêtre, il a bien compris ça, c'est le cas de le dire, corps et âme. Mais l'Église ne lui demande pas quelque chose de particulier ici. L'Église, en quelque sorte, j'espère, le supplie d'honorer tout simplement son humanité en lui. Et honorer son humanité en lui, c'est en aucun cas d'avoir... Non pas, on ne peut même pas dire des relations sexuelles avec un enfant, de la violence sexuelle avec un enfant. À mon avis, les gens deviennent pédophiles sur des immaturités affectives et sexuelles, c'est-à-dire des gens qui, dans leur réalité propre et dans leur histoire, sont deux choses un peu différentes, hein, on appellerait ça la psychanalyse, le sel sur moi, enfin, à la fois au niveau de leur pulsion personnelle et des circonstances de leur histoire, n'ont pas développé un certain nombre de prises de conscience, de distance, de contrôle. Enfin, je dirais que moi, j'aime bien prendre la comparaison d'une course automobile. Ce sont des gens qui ne sont pas devenus automobiles de leur sexualité, c'est-à-dire capables de conduire eux-mêmes. Ils sont conduits par des dimensions de leur personne, d'abord qu'ils ne connaissent pas, et ensuite dans ce qu'ils voient apparaître de leurs attraits et de leurs pulsions, ils ne savent pas quoi en faire. Or, si vous étudiez un petit peu ce qui est arrivé aux pédophiles, il y a quelques violeurs immédiates. Mais la plupart sont des gens qui ont eu d'abord une relation affective avec des jeunes, avant qu'il y ait une dérive génitale. Un enfant qui est vulnérable, par exemple parce qu'il a des relations difficiles avec ses parents, et qui trouve un adulte avec une autorité, que ce soit une autorité d'enseignant, une autorité spirituelle, va avoir tendance à chercher, c'est toute l'histoire du développement psychoaffectif de chaque être humain, on cherche dans la construction de son identité à trouver des modèles en qui on puisse avoir confiance, qu'on puisse imiter et qui nous rassurent. Donc un enfant qui trouve quelqu'un qui est gentil avec lui, qui le rassure justement parce qu'il est en difficulté chez lui, avec ses parents, parce qu'il vit très mal les problèmes de jalousie et de rivalité dans sa famille, ce qui est le cas de tout le monde, voyez, va trouver, avec une relation privilégiée, avec un adulte ayant une autorité, c'est le problème des chouchous, hein, le chouchou du prof, le chouchou du chef de chorale, le chouchou de monsieur l'abbé, le chouchou de sœur machin, hein, parce qu'on parle que de la pédophilie masculine, mais la pédophilie féminine existe bien entendu, sans qu'on le sache aussi bien et qu'elle se manifeste de façon aussi explicitement génitale. Bon. Mais avant d'être génitale, les relations ont été affectives, affectueuses. La violence sexuelle sur enfant est toujours une violence de domination. Hein, c'est-à-dire, je vais jouir avec plus faible que moi, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne peut pas s'opposer à moi. Mais pourquoi est-ce que 90% des prêtres pédophiles s'en prennent à des garçons ? Alors ça, vous savez, je sais pas très bien s'il faut en tirer des conséquences du côté de ce que certains ont fait, à savoir du côté des questions sur l'homosexualité. Je suis pas totalement convaincue de cela. Je pense qu'il y a aussi une question de circonstance, hein, qui est que les prêtres, en tout cas pour une certaine génération d'entre eux, ont eu plus de relations avec des jeunes garçons, de par la question des enfants de cœur, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc de liens de proximité affective dans un premier temps, de confiance, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis peut-être qu'il y a un attrait du même, hein, encore une fois, c'est-à-dire que la jouissance ne peut être que du côté et du faible et de ce qui ressemble, et que la petite fille dans l'inconscient fait peur de par sa différence. Il y a peut-être un lien, mais je pense que le lien, il est plutôt du côté de ce qui fait le moins peur. Et qu'est-ce qui fait le moins peur ? Le fragile, parce que je peux le dominer, et en plus, qui me ressemble sexuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail supplémentaire, justement, à l'aune de ces affaires, avec les supérieurs qui vous entourent, sur la question de l'intimité à avoir ou non avec des enfants dans votre futur magistère? Ça rejaillit, oui. Mais concrètement, j'ai des enfants en catéchisme. Et concrètement, je leur serre la main. Ils ont 10 ans, j'évite de... Alors que ils sont les premiers à... Parce que c'est normal, tous les adultes embrassent, mais je le fais pas. Les temps sont à ça. De même... Je leur avais écrit une lettre pour leur fêter Joyeux Noël. Je l'ai adressée aux enfants et à leur famille. Je veux avoir un comportement qui soit tel qu'ils ne puissent avoir aucun doute. C'est par rapport aux parents, tout simplement. Mais au sein de votre association Lamar, François Marchand, est-ce qu'un jour vous avez dit à plusieurs reprises à des hommes qui se destinent à la prêtrise, vu votre profil psychologique et émotionnel, vous ne pouvez pas accéder à cette fonction? C'est évident, je suis pour ça que j'étais là. Pour des générations d'hommes qui ne se savaient pas pervers, mais oui, qui avaient des inclinations, oui, et émotionnellement instables. Est-ce qu'à un moment, l'Église a servi de refuge ? Oh, sûrement. Sûrement, sans le savoir d'ailleurs. Parce que c'était justement pour empêcher que des gens rentrent dans ce refuge. Je me souviens de quelqu'un, là il s'agissait d'un homme qui était un homosexuel vraiment torturé, c'est-à-dire qu'il vivait avec quelqu'un, il était aussi mal que possible, et pour sortir de ça, il me dit « je veux rentrer dans la vie religieuse ». Moi, j'ai donné une contre-indication formelle. Je pense quand même que dans certains cas, ça paraît assez évident. Je pense notamment à un jeune prêtre du diocèse de Strasbourg qui a toutes les étapes de sa formation. Quand il est entré au séminaire, quand il a reçu la première ordination, celle de diacre, quand il a été envoyé en stage dans des paroisses, etc. À chaque fois, les rapports qu'on fait, tout le monde du monde, il ne s'agit pas d'espionner, mais c'est des évaluations que l'on fait à toutes les étapes de la formation d'un futur prêtre. À chaque fois, ces rapports, ces évaluations faisaient état de difficultés d'ordre homosexuel clair, et aussi de d'emprise sur les enfants, voire même d'attouchement, enfin de cas troubles, etc. Il n'y avait pas de crime caractérisé comme tel, parce que par définition ces choses-là ne se font pas au vu au sud de tout le monde. Et puis la pression sur les enfants ou sur les jeunes peut être suffisamment forte de la part d'un prêtre, surtout d'un jeune prêtre qui a une aura, qui a un dynamisme, etc., pour que les choses ne se sachent pas trop vite comme tel. Mais visiblement là, il y a eu, je pense, d'après ce qu'on peut juger, faute dans l'évaluation jusqu'au bout. On n'a pas tiré les conséquences de ces constats unanimes pourtant et confirmés qui se succédaient pour dire ce gars-là a un problème, quoi, visiblement. Là, vous êtes dans l'Église, vous n'êtes pas encore prêtre. Quel regard vous portez sur une part de l'Église qui montre un visage, celui de visage de prêtres, qui sont peut-être des hommes immatures affectivement, peut-être qui n'ont pas fait votre cheminement, qui sont arrivés au séminaire sans avoir jamais connu ni l'amour ni le désir, et qui d'un coup sont ébranlés par le contact avec les enfants et qui se laissent aller à des gestes répréhensibles. Quel regard vous avez par rapport à ces hommes ? D'abord, ce ne sont pas des gens que je condamne, non pas que ce qu'ils ont fait ne soit pas répréhensible, mais l'homme en lui-même, quoi qu'il ait fait, reste quand même un homme, reste quand même quelqu'un qui est estimable et qui est... On rappelait par exemple ce prêtre de Savoie pendant 40 ans. Oui, qui a fait des choses pendant 40 ans. Mais on a mis aussi l'accent sur tout ce qu'il a fait à côté. Qui bon, c'est. Oui, mais on peut pas comparer deux choses. Ça n'excuse rien. C'est bien évident que ça n'excuse rien. Vous le condamnez pas pénalement? Vous ne pensez pas que la justice doit passer? Ça, c'est pas à moi de le faire, je ne suis pas juge. Quel regard vous avez sur la société qui réclame une punition juste par rapport à ce genre de crime? Toute faute mérite jugement, et s'il y a condamnation, il y a peine. On a encore en mémoire le procès de l'abbé Morel, condamné il y a 7 mois à 10 ans de prison par la cour d'assises de l'Aveyron pour les viols de deux mineurs. Voici aujourd'hui devant la cour d'assises du Calvados à Caen, celui de l'abbé Bisset, accusé de viol. Les catholiques américains sont en crise et le pape tente de reprendre les choses en main. Jean-Paul II réunit aujourd'hui et demain au Vatican les cardinaux qui ont été éclaboussés par des scandales impliquant des dizaines de prêtres pédophiles. L'église en plein débat sur les affaires de pédophilie. Réunie en assemblée annuelle depuis hier à Lourdes, les évêques français n'ont pas l'intention de rester sourds au scandale. Ils vont donc aborder cette semaine les problèmes de pédophilie qui touchent certains diocèses. Stanislas Lalanne, leur porte-parole, nous explique d'ailleurs en quoi consiste cette réflexion. Les évêques ont fait appel à des spécialistes d'ordre médical, psychiatrique, juridique, moral, pour éclairer leurs travaux. Mais maintenant, les évêques vont premièrement réfléchir, analyser, mieux comprendre ce phénomène difficile de la pédophilie. Puis deuxièmement, réfléchir ensemble, et je ne peux pas dire au début de cette assemblée qu'est-ce qu'ils vont dire, on ne peut pas préjuger des conclusions, mais réfléchir sur quelle attitude avoir pour que, quoi qu'il arrive, ces types d'agressions cessent. La manière de présenter la pédophilie aux évêques à Lourdes en 2000 a été tellement dramatisée. Je ne dis pas que c'était une action concertée des experts, hein, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça a produit cet effet-là. Ça a induit une dramatisation incroyable, peut-être excessive, au point que tous les évêques sont partis de Lourdes en se disant « un type qui est pédophile, le reste ». Alors, ils allaient peut-être d'un excès à l'autre. Ils venaient d'un excès où ils se disaient, il suffit de muter le bonhomme, de préférence à un endroit où il n'aura pas de gamin auquel il pourrait faire du mal, et je suis tranquille, ça guérira tout seul, etc. On a vu que c'était pas vrai. Bon, mais de là à dire que quelqu'un qui a été coupable de pédophilie une fois le sera toujours, quelqu'un qui a fait du tort grave à un enfant le fera à tous les enfants qu'il rencontrera, je pense qu'il y a un autre extrême là dans lequel on est peut-être tombé. Mais il fallait sans doute ce choc un peu salutaire pour secouer l'épiscopat, le corps de l'église de France, et amener à ce sursaut qui a fait que la pédophilie de la part des prêtres est devenue une chose définitivement inadmissible et unanimement condamnée. Christian Terrasse, vous êtes le directeur de publication de Goliath. Goliath, c'est quoi ? Goliath, c'est une revue qui sort tous les deux mois. C'est une maison d'édition. C'est un journal catholique progressiste. On l'appelle l'empêcheur de croire en rond. Et c'est un journal qui a 10 000 abonnés, qui tire à 12 000 exemplaires. Comment l'homme, qui a une foi chrétienne, réagit par rapport à ces faits avérés dans l'Église ? Bien, moi, en tant que chrétien, je suis bouleversé. J'ai trop vu de parents, j'ai trop vu de jeunes qui étaient cassé, dont la vie était brisée à jamais. Et je dirais que je réagis déjà par rapport à ce témoignage des victimes, je dirais de manière tout à fait indignée. Mais je réagis de manière encore plus indignée, et je dirais, je trouve l'attitude de l'institution encore plus scélérate quand elle couvre ce qui n'est pas couvrable, quand elle couvre un déni de justice de ce type-là. Et le directeur d'une revue comme Goliath, à la fois il enquête, à la fois il s'indigne personnellement en tant que chrétien, parce qu'il y a quelque chose des valeurs du christianisme, des valeurs de l'évangile qui sont salies et qui sont bafouées. C'est pour ça que j'ai appelé ce dossier l'évangile de la honte. Et ce qui t'a remarqué, c'est que nombre des familles qui sont soumises à ce genre de délits, de crimes, sont des familles très catholiques, je dirais même très classiques, et qu'il est intéressant de remarquer que lorsque une affaire de ce type-là tombe, ces familles-là oublient, entre guillemets, leur appartenance et leur obédience catholique pour s'attacher uniquement à la défense de leurs enfants par rapport au viol dont ils ont été victimes. Et je trouve intéressant de répondre de cette manière-là par des cas concrets au niveau investigation par rapport à ce que l'institution a l'habitude de diffuser dans les médias ou dans leur propre cercle concernant la théorie du complot. C'est-à-dire qu'il y aurait une cabale, il y aurait un complot de gens qui se départiraient de l'Église, qui seraient contre l'Église, et nous en particulier, pour pouvoir entacher cette Église, la calomnier, la salir. Or, je constate que dans toutes les enquêtes que nous avons faites, je répète, la plupart des parents sont des gens très catholiques, très conservateurs même, et qu'ils ne peuvent plus supporter des agissements de ce type-là, et qu'à ce moment-là, ils saisissent une association de défense des droits d'enfants, et ils n'hésitent plus aujourd'hui à saisir la justice pour que justice leur soit rendue. Père Bonnet, que doit faire l'Église de prêtres pédophiles qui ont purgé leur peine ? Eh bien, c'est un problème qui ne se pose pas que pour l'Église, qui se pose pour tous les pédophiles qui sortent de prison après leur peine. Il se pose pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des psychologues nous disent, avant, il est difficile de faire un diagnostic. Par contre, lorsque quelqu'un a eu des pratiques de ce genre, même après un traitement psychologique lourd, les risques de récidive restent extrêmement forts. Donc, quand quelqu'un sort de prison, d'abord, quand même, il est toujours sous la responsabilité de l'évêque. L'évêque veille à ce qu'il ait de quoi vivre, de quoi s'installer, qu'on ne va pas l'abandonner parce que il a commis telle ou telle chose. Mais en aucun cas, l'Église, l'institution Église, ne chasse de ses rangs un de ses membres qui a non. trahi sa mission. La seule chose qu'elle peut faire et qu'elle fait, c'est de ce qu'on appelle le suspendre, c'est-à-dire lui interdire d'exercer les fonctions de prêtre, le ramener à une situation de laïc. Mais elle estimerait que ce serait une grave injustice de sa part d'abandonner un membre, même s'il a commis des fautes graves. Un crime. Un crime. L'Église n'abandonne pas les criminels, elle ne les excuse pas, elle cherche à ce que jamais cela se reproduise, mais elle ne les abandonne pas. C'est une tradition ecclésiale, même les membres les plus indignes y restent membres de la famille. Tous les cas sont des cas dramatiques. Ça ne veut pas dire que le discrédit doit être porté sur toute l'institution, comme pour les autres institutions. Parce qu'après, on fait des ravages de non-confiance. C'est-à-dire, on fait croire aux gens qu'on ne peut plus du tout faire confiance à aucune institution. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on a besoin de pouvoir se fier. La question, elle est qu'il faut se fier les yeux ouverts et non plus les yeux fermés. On est en manque de vocation aujourd'hui. Et donc, on a plutôt tendance à être très cool, pardonne-moi l'expression, très lâche sur les profils qui se présentent, parce que quand vous avez à peine 90 ordinations par an dans l'Église catholique aujourd'hui, alors qu'on en avait 900 en 1960, vous comprenez l'écart que cela produit et les questions que ça pose à la propre survie de l'Église catholique, dans le sens où elle ne veut toujours pas considérer que le sacerdoce puisse être dévolu à d'autres personnes que des mâles célibataires. Entendez, le sacerdoce des femmes, c'est pas possible, le sacerdoce d'hommes mariés, c'est pas possible. Donc comme l'institution reste carrée et bloquée sur cet archétype-là et ce modèle-là, donc la reproduction de l'institution se fait par des clercs mâles, par des hommes célibataires, donc qui peuvent afficher des prédispositions, j'allais dire déséquilibre psychologique ou affectif, qu'on regardera pas de très près au nom du nombre à accomplir et à faire pour continuer la série et la génération des prêtres. Je crois que ça dit une crise de l'institution. Mais vous savez, comme l'institution de l'éducation nationale a été en crise il y a 20 ans, quand des affaires identiques, aussi dramatiques, ont été révélées. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la société a décidé, je ne pense pas qu'elle ait tort, de désacraliser les institutions humaines. Et l'Église est une institution humaine. Donc de dire, il n'y a pas une institution qui serait au-dessus des autres, et donc qui serait intouchable. Eh bien, il y a malheureusement dans l'Église des criminels, c'est une tragédie. Eh bien, ces criminels sont comme tous les criminels, on doit les juger pour leur crime. Est-ce que ça vient dire que l'institution est en crise? Elle l'est peut-être, donc elle l'est quant à ça, c'est-à-dire elle n'est plus sacralisée. Et ça c'est tant mieux, parce qu'elle est humaine. Il n'y a pas de raison de la sacraliser. On doit la respecter comme les autres, mais pas la sacraliser. Elle n'est pas au-dessus des lois. La foi à l'épreuve de la chair. Merci à Sœur Véronique Margron, au Père Charles Bonnet, à Grégoire et Jean-Hugues, séminaristes au Séminaire supérieur de Lyon, à Michel Kubler, rédacteur en chef religieux au journal La Croix, à Christian Terrasse, directeur de la publication Goliath, ainsi qu'à François Marchand, psychologue. Le vif du sujet, prise de son, Frédéric Sordoyer. Réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question de mémoire, de traces, de souvenirs. Mais c'est une autre histoire.